regarde les bateaux. On dirait que le vent se lève. Je n'ose pas te dire que j'ai froid. En revenant vers toi, il y a des choses qu'on ne dit pas. De te revoir comme ça.